êtes assez fous pour l'écouter. 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Alexandra Cagnan prend le temps d'ajouter un peu de culture à l'émission. Et on reçoit la face cachée de la Trifouvelie. On reçoit la face cachée direct. Et vous l'attendiez tous, je vous parle de l'iPhone 5 dans CNX. Bon matin, bienvenue à Assemblage requis en ce lundi 24 septembre 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, c'est François-Olivier. Bon matin, François-Olivier. Bon matin, Mathieu Plante. Passez une belle fin de semaine. Oui, relativement. Ça passe un peu trop vite, en fait. Là. Toujours deux jours, hein, c'est... Je suis sûr que la plupart des gens sont du même avis que nous ce matin. Donc. Ouais, tout à fait. Et puis ce matin, écoute, pour la première fois de la session automne 2012, mes fenêtres de vitres, mes vitres d'auto étaient gelées. Ouais, givré, donc sorti de bonne heure quand même ce matin, et puis l'hiver arrive à grands pas. Ben c'est ça, ça arrive d'un coup sec ces affaires-là. Regarde, la semaine passée, je me plaignais qu'il faisait tellement chaud, cette semaine j'ai une veste en studio. Je sais pas. Non, mais c'est frisqué ce matin pour moi. C'est frisqué. Donc aujourd'hui à l'émission, on va avoir plein de bonnes choses pour vous. Vous savez qu'à 8h15, Alexandra Carignan est toujours là chaque semaine. Elle va nous faire, je pense que tu disais cette semaine, elle va recevoir en studio, elle va parler avec la face cachée de la Trifouvelie. Ouais. Exactement. C'est ça. J'ai hâte de voir ça. Ça, c'est à 8h15. Ensuite, à 8h30, elle va nous faire sa chronique art et spectacle sur les articles qu'elle couvre pour le journal Zone Campus. Ça, c'est à 8h30. Formidable. Plus tôt dans l'émission, en première heure, ça va être pas mal de Mathieu Plante Show, hein, comme solide des fois. Écoute, on va parler du iPhone 5. Exactement. Téléphone que tu as en ta possession. Hein? Dans ma poche, session. Dans ta poche. Ça rentre dans une poche. Wow! On dirait que je l'ai pas regardé. Mathieu, en fait, l'a eu vendredi. Ouais. Et puis, il est venu me le montrer, mais je voulais pas le voir. Non, ben, tu fais bien, hein, parce que tu vas te créer des envies, sinon. Non, mais c'est ça, mais tu vas me le prêter pour ta chronique. Exactement. Tu vas pouvoir commenter, parce que moi, en fait, là, j'ai un 3GS. J'avais un 3G, donc tu me bats là-dessus, tu étais plus récent que moi. Déjà. J'étais un peu plus récent, ouais. Mais là, tu me surplantes. Oh, Plante, hein, du grand Mathieu Plante ce matin. C'est super bon, ça. Donc, je vous en parle vers les 7h30 dans ces coins-là, entre 7h30 et 7h45. En tout début d'émission, par contre, on va faire C'est un fait dans quelques minutes. Donc, Quickie Edition, ça va être super bon. Tout ça et beaucoup plus. Ou juste un petit peu plus. On verra. On commence l'émission, par contre, avec une suggestion de ta part, François. Oui, The Sounds. Hey, c'est quoi? Je me suis levé ce matin. Ouais. Et j'ai pensé, j'ai dit, j'écouterais The Sounds ce matin. Ouais. Et c'est ce qu'on va faire. Ça tombe bien, hein? C'est comme si c'était comme arrangé, puis que j'avais tout préparé la chanson, puis qu'elle commençait de même. Puis... Yay! Yeah! Ça part bien le matin. Ouais. Quelle heure, ça? 7h04. Why? found something. I think I found something in my TV screen. I think I found out that I have nothing, that I have nothing in this place for me. I watched it all in my head, perfect sense. Don't take me from my bed. Leave everything that is worth a single cent and just take me instead. That TV show I saw as I fell asleep had me on both my knees, praying to whatever is in heaven, please send me a felon and don't let the police know. I think I can tell, I think I can tell them. Tell them they were made for me. I'm thinking they'll know, know it already. I'm thinking they'll know just about everything. I bet they planned it all out like the shows. Went everywhere I go, walked in the store right behind me, stood in line right beside me and followed me to my home. I'm sure they figured it out early on that I would never run, that they could shoot but that's no fun, 'cause then they're killing the stolen son. Oh, anything, anything, don't tell them anything, anything, please. Anything, anything, don't tell them anything, anything, please. Anything, anything, don't tell them anything, anything, please. Anything, anything, don't tell them anything, anything, The Neighborhood et la pièce Female Robbery, nouvelle entrée. En fait, ça commence à être une deuxième semaine pour cette pièce sur l'album I'm Sorry. T'es désolé? Ouais, je suis désolé de vous l'apprendre. Mais t'aimes bien ça, hein, cette pièce-là? Oui, pas toi? Et c'est très bon, oui, oui, oui, tout à fait. J'adore ça, c'est très très bon. Avant ça, on a entendu The Sounds. Oui, The Sounds. Et écoute, je m'étais réveillé avec ça en tête ce matin. The Sounds qui part tout le temps très bien une journée, je trouve. Oui. Sincèrement, écoute, ça a du rythme. C'est des filles qui font ça et c'est bon. T'sais? Des filles qui ont du rythme. Ouais, le matin. Yeah! Yeah! 7h11 minutes. On continue en s'enseignant des choses, en s'apprenant des affaires. Tu sais, comme si tu sortais ton iPhone pour aller sur Wikipédia. C'est un peu la même chose, sauf que là, c'est à la radio. Ouais. Puis pas Wikipédia, donc moins fiable. Voici, c'est un fait. C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables selon les internets. Selon les internets. Évidemment. C'est bien de le mentionner. C'est relatif. Commençons avec l'émission de télé Les Jetsons qui a commencé il y a 50 ans en date du 23 septembre, donc en date d'hier. Si vous vous demandez quand est-ce qu'on va avoir donc, des voitures volantes et des ménagères robots, eh bien l'émission se passait en 2062. OK, donc ça s'en vient. Dans 40 ans. Exactement. Non, 50. Dans 50 ans, c'est ça. C'est quoi l'émission qu'on disait qui avait lieu en 2012, là, qui prédisait le futur? Je me rappelle pas c'était dans quelle émission. C'était Danny qui m'avait parlé de ça. Je me rappelle pas c'est quoi. Ah, je sais pas. En tout cas, mais il y a quelque chose qui était futuriste et qui se passait en 2012. Mais c'était pas les Jetsons, bon. Prince George's County, dans le Maryland, d'accord, installe des caméras de sécurité pour surveiller les caméras de vitesse qui arrêtent pas de se faire vandaliser. Tu sais, on a des caméras pour la vitesse. Ouais. Mais ça, il y a du vandalisme. Donc, ils ont installé des caméras qui regardent les caméras. Très bien, hein? Commence à faire. À quand les caméras qui surveillent les caméras qui surveillent les caméras, tu sais. Cégel Valab. Valab, voilà. a apporté ou a amené le tennis pour aveugles aux États-Unis. Dans les écoles secondaires, c'est comme du tennis normal. Tu sais, il y a plusieurs sports qui pour les personnes avec un déficit ou un handicap, quelque chose comme ça. Donc ici, c'est une balle de tennis qui fait des clochettes et qui peut rebondir 3 fois sur le terrain. Ça s'appelle du tennis pour aveugles. Voilà. Intéressant, ça. Moi, j'aime bien ces affaires-là. Oh, oui, tout à fait. C'était les Emmy Awards hier, si je me rappelle bien. OK. Les prix pour les émissions de télé. Là. OK. Donc, le nom Emmy Awards, ça vient de IMMY, I-M-M-Y, qui est le surnom pour les tubes à l'intérieur des vieilles télé, là, ce qu'on appelait les tubes Image Orthicon. Donc, Image Orthicon, Image Emmy, IMMY, Emmy. Tu sais, ça donnait ça. Super. Tu connais le film Beetlejuice? En français, c'est Betelgeuse, Betelgeuse. Ouais. Ça date quand même, ça. Ça date pas mal. Il y a eu une suite, en fait, il n'y a pas eu de suite, mais il y avait une suite de prévue qui s'appelait Beetlejuice Goes Hawaiian, Betelgeuse à Hawaii. Ça a été écrit, mais jamais produit. Et je veux savoir de quelle année ça date Beetlejuice. Ça date de 1988. Ah, quand même. Ouais. Leonardo da Vinci, Léonard de Vinci, comme on dit des fois en français, a inventé les ciseaux. Oh ouais, pour vrai. Mais qui a inventé roche et papier? quand il est incapable de s'endormir, c'est même pas moi qui l'ai inventé cette blague. Quand il est incapable de s'endormir, Justin Timberlake. Qu'est-ce qu'il fait? Il compte les moutons, non? Il chante des chansons. Il chante des chansons. Même lui, il s'endort. Ouais. Ça, là, c'est à moi. Didascaléinophobie. Devine ce que c'est, la didascaléinophobie. Je sais pas, la peur des dactylos, non? Ah, ça serait fort, mais non, c'est la peur d'aller à l'école. Ah. Qu'est-ce qu'un icosagone? Un prisme à plusieurs côtés. Ah! Non. Pas mal, ouais, c'est une forme avec 20 côtés. C'est vrai? Ouais, 20 côtés. C'est bon. La langue d'une baleine bleue pèse plus qu'un éléphant. Plus sa langue. Ah, ouais. Qu'est-ce que la dendro... Dendrochronologie. Dendro, et bon, là, tu m'en poses une bonne, là. Non. Tu ne l'auras jamais. C'est la science de calculer l'âge d'un arbre par ses cercles et ses anneaux dans son tronc. Et puis, ça peut dire, évidemment, l'âge de l'arbre. D'ailleurs, les anneaux, les cercles dans un arbre, ça nous dit non seulement l'âge de l'arbre, mais aussi la situation environnementale autour, par exemple, les éruptions volcaniques. La plus grosse fleur est la Rafflesia. Généralement, 3 pieds de diamètre, mais le record est de 42 pouces de diamètre. L'arbre moyen, donc n'importe quel arbre moyen, ça peut fournir assez de bois pour fabriquer 170 000 crayons. Des crayons de plomb. Quand même. 84 % d'une pomme crue et 96 % d'un concombre cru, c'est composé d'eau. OK. 84%. Comme la laitue aussi, je pense, c'est une affaire quand même relativement élevée. Pas mal, ouais. Ça me surprend pas pour la salade, mais pour les deux autres, oui. En dormant, 1 personne sur 8 ronfle et 1 personne sur 10 grince des dents. Nous, on est le couple parfait. Moi, je ronfle, ma copine se grince des dents sans cesse et ça en est déplaisant. Donc, c'est vrai, tant que ça? Pour vrai. Ah ouais? Ah, c'est pas... Mais toi, tu ronfles. Ben, je ronfle. Je fais des genres de drôles de bruits. Bon. Ça ressemble un petit peu à ça. Gale, c'est un. On l'entend pas. J'aime pas ça. Non, ça gosse, ça. Ah, non. Savais-tu que 111 111 111 fois 111 111 111, ouais, ça égale 12,345, tu sais, 1,2,345,678, ensuite 0,987,654,321. Ouais. C'est cool, hein? C'est cool. C'est bon à savoir, surtout. Surtout. Deux derniers avant de continuer en musique. Et après ça, revenir avec une autre partie, c'est un fait. L'os humain contient 50% d'eau et 50% de matériaux solides. Oh ouais. Les os humains. Et combien il y a d'os ou d'eau dans la... Ben, pas de l'eau, E-A-U, O-S, là, dans la figure humaine, le visage humain? Je dirais... 63... Il y en a 14. Oh! J'ai misé un peu trop. Voici Dead Man's Bones. Yay! Avec In the Room Where You Sleep. I saw something sitting on your bed. sense of something touching your head. Where you sleep in the room, where you sleep, where you sleep. You better run. You better run. You better hide. You better hide. T'es pas sur le même beat? Non, je sais, mais je suis pas très très rythmé. Dead Man's Bones! Avec la petite pièce d'ailleurs qui finit là. Ouais. Ouh, une petite musique d'ascenseur, on dirait. Un peu, hein? Ouais, ouais, ouais, tout à fait. Ouais. C'est super bon. Et tu le disais hors ronde. L'Halloween s'en vient. Oui. Et ça fit avec. On va en jouer beaucoup. Ouais, ouais, tout à fait. Écoute, ça fit vraiment dans le cadre de l'Halloween. Ouais. Toujours dans C'est un fait, j'aime bien passer une petite pièce dans le milieu de C'est un fait. Ça nous force à sortir de notre zone de confort en devant trouver une chanson qui a un lien. Continuons avec des sports sur... en fait, des faits de sport. OK. Des faits de sport. Le hockey sous l'eau. OK? Le hockey sous l'eau, aussi connu sous le nom de Octopush, a été créé en Grande-Bretagne en 1954 par Alan Blake du South Sea Subaqua Club. Donc, je savais même pas que ça existait, mais ça existe depuis 1954. Le hockey sous l'eau. Je vois pas vraiment c'est quoi le but, mais bon. Ben, c'est sûrement qu'il y en a un de chaque bord. Non, mais... Ah, Mathieu Plante. Non, mais tu sais, tant qu'à ça, sérieux, je joue à l'extérieur. Ben... Mais c'est comme, c'est quoi, t'es contre le water polo? Non, water polo, non, c'est propre à l'eau. T'sais, en fait, tu peux pas jouer au water polo en dehors de l'eau, mais tu sais... Il pourrait y avoir de l'overground water polo without the water. Without the water. Peut-être, écoute. Peut-être un jour. Peut-être. Les deux derniers événements des Olympiques de Londres en 1948 ont été illuminés par des lumières de voiture parce qu'il y avait une trop mauvaise météo, la température était mauvaise et il n'y avait pas d'autre façon d'éclairer. Non. Donc ils l'ont éclairé avec des voitures. À Chicago, le surnom pour les Cubs, tu sais, les Cubs, l'équipe là, de sport là, avec le ballon, là. La balle? La balle, c'est du baseball, c'est ça? Ouais, les Cubs de Chicago. C'est ce que je pensais. Ben ouais. Donc, le terme Cubs a été inventé par le Chicago Daily News en 1902. C'était utilisé, ce terme-là, pour faire référence aux jeunes joueurs dans l'équipe. C'est les Cubs, comme les petits... comme pas louveteaux, mais c'est genre... C'est un terme d'animaux, d'habitude. Mm-hmm. Bon, les Cubs. Le baseball professionnel, la première équipe de baseball professionnel, c'était les Cincinnati Red Stockings en 1869. Eh bien. Tu sais, la barre de chocolat Baby Ruth. Ouais. On pense tout le temps que c'est en hommage à Babe Ruth, le joueur de, évidemment, sûrement baseball aussi, je pense. Ouais. Ouais. Mais non, ça a été nommé en hommage à Ruth Cleveland, qui était la fille du président Grover Cleveland. C'est pas à cause du joueur baseball. Très bien. Le gazon artificiel a été nommé AstroTurf. Ça, tu savais ça? AstroTurf, c'est le nom du gazon artificiel en plastique, genre? Non. OK. Ben, ça a été utilisé pour la première fois au Houston Astrodome. C'est pour ça qu'ils avaient nommé ça. Oh. AstroTurf, turf, genre territoire, terrain, genre. Puis Astro pour l'Astrodome. Au-dessus de 9 millions de billets, donc c'est ça, de billets assis, ont été vendus pour environ 30 $. Attends un peu. Allant de 30 $ à 3000 $ pour les meilleurs sièges aux Olympiques de 2012. Donc, les sièges étaient vendus entre 30 $ et 3000 $. Grosse différence entre les deux. Le record pour le plus court match de badminton au monde est de combien de temps? Le plus court? Le plus court. 15 minutes, non? Non, 6. 6? 6 minutes. Tabarouette, c'était expéditif. Droit au but. Hein? C'est pas non. La couleur des balles de tennis, la couleur jaune, a été introduite en 1972 après avoir découvert que c'est la couleur la plus facile à voir sur les écrans de télé. Ah, OK, c'est pour ça. C'est spécifiquement pour la télé. Ah. Intéressant, ça. Moi, j'ai jamais compris comment est-ce que les gens faisaient pour filmer, en fait, là, les caméramans, le golf. Suivre la balle. J'avoue, il faut être incroyable. C'est tout incroyable. Petit. C'est fou, là. Ça part vite, là. Mais c'est un blanc brillant. Mais j'avoue que est tellement dans le ciel, petit, des fois ça monte puis ah non, en fait, j'ai jamais rien compris là-dedans. Incroyable. J'imagine que ça doit être de la pratique. Sûrement de la pratique et du talent inné, et sûrement qu'ils sont payés très très cher pour essayer de faire pas de chance d'or. Tu peux pas prendre n'importe qui pour filmer. Non, c'est sûr que non. Non, c'est sûr. Ouais. Alors, j'ai oublié de traduire le terme. Tu sais, breaststroke à la nage. Breaststroke. C'est pas le papillon, non? Ça se peut que ce soit le papillon. Attends un peu, je suis en train de chercher ça. Je vais quand même continuer en disant le fait. Breaststroke, donc c'est la façon de nager qui donne les temps les plus lents. Donc c'est ce qui te fait aller le plus lentement. Alors que freestyle, style libre, j'imagine, est le plus rapide. Et breaststroke, c'est à la brasse. À la brasse. C'est, ça se dit ça? J'imagine. Nager à la brasse, là. Allez. Plusieurs positions du ballet. Tu sais, le ballet, la danse, là. Ouais. J'essaie de l'imiter, mais clairement, pas un ballet, là. Bon. J'ai l'air d'avoir un ballet à quelque part, mais pas ça, cette sorte de ballet. Donc, c'est dérivé du sport de l'escrime. La plupart des... En tout cas, plusieurs positions du ballet, ça vient de l'escrime. Eh bien. Avec l'épée, là. On se comprend. Wow. En 2003, un ours noir de 220 livres est entré dans un hôpital du Japon. Mais il est parti très rapidement à cause des cris des gens. Les gens criaient, ça lui a fait peur, il est parti. Ah! Un ours de 220 livres. Le muscle qui ferme la mâchoire d'un crocodile a la même force qu'un camion qui tomberait en bas d'une falaise. Tu sais, genre la force d'un camion qui tomberait en bas d'une falaise, ça pourrait aplatir quelque chose de pas mal solide. C'est la même chose pour un crocodile. À Wuxian, en Chine, il y a 400 poulets. Les 400 poulets d'un fermier qui sont décédés quand les sirènes de police ont commencé à se faire aller à 10 verges de là. Et donc, le fermier a poursuivi la police. La police, dans le fond, la sirène de police a fait peur aux poulets. Ils sont morts là, de ça, de choc. Eh hey boy. Il a-tu gagné? Ça, l'histoire dit pas. J'imagine. Le record mondial pour le plus de chiots dans une portée. Et là, combien, tu crois? Une seule portée. 11. Non, double-moi ça. Hein? Double-moi ça. Mais non. Puis rajoute-en après. 24. Mais non. Je te jure. 24 chiots dans la même portée. Eh hey boy. C'est énorme. C'est beaucoup, beaucoup. Parlons de jeux vidéo maintenant. Dans le jeu vidéo Mother 2, qui est le titre japonais pour Earthbound, pour ceux qui suivent les jeux vidéo et qui connaissent ça. Donc, il y a une genre de secte qui s'appelle... le maître de cette secte-là s'appelle Happyism. Ou est-ce que c'est les... Non, c'est la secte en tant que telle qui s'appelle comme ça. Et donc, les lettres sur le chapeau du monsieur sont HH pour Happyism. Ça, c'était dans la version japonaise. Dans la version américaine, on a ajouté un pom-pom, comme les cheerleaders. Donc, on a ajouté un pom-pom et on a enlevé les lettres sur son chapeau parce que le HH pouvait porter à confusion et donner l'impression que c'est caca. Okay. Et son chapeau avait peut-être l'air du même chapeau que le caca. Il avait la même forme. Ouais, c'est ça. Hey boy. Et on a aussi, donc on a évidemment essayé de changer leur apparence, mais la ville a changé de... je le vois pas d'ici. Attention. Threak. La ville s'appelait Threak, donc T-H-R-E-E-K. ce qu'on pourrait lire 3K, comme 3K, hein? KKK. Donc, on a changé le nom de la ville aussi pour Threed. Donc, 3D, j'imagine, dans ce cas-là. Très bien. Eh bien, quand même intéressant. Ensuite, toujours en jeu vidéo, allons-y avec Link's Awakening, un jeu de la série Zelda, évidemment. Donc, on peut aller échanger un crochet à un pêcheur qui, lui, va te donner un collier. Tu peux ensuite donner le collier à une sirène qui va te l'échanger contre une écaille de sa queue. Okay? Mais dans la version japonaise et certaines versions européennes, Link recevait une brassière rose à la place d'un collier. Et la sirène, évidemment, était complètement gênée autour. Ça explique son comportement. Elle était gênée parce qu'elle n'avait pas de brassière. Donc, Link va lui donner sa brassière. Mais c'était inapproprié pour la version américaine. Donc, on a changé ça pour un collier. Eh bien. Dans Super Mario Bros. 3, on avait prévu au départ que Mario ait un pouvoir spécial pour se transformer en centaure. Tu sais, centaure, c'est l'homme homme en haut de la taille, cheval. Ouais. Dans dessous de la taille, et on se comprend. On se comprend. Donc, c'est un peu la même chose que pour le Tanuki. T'sais, c'était pas la première fois dans Mario qu'on entendait parler d'un animal comme ça. Tanuki, genre raton laveur, on connaît tous ça. Et puis, en plus de ça, sur la boîte en arrière de Super Mario Bros. 3, on voit des images, des photos, des captures d'écran de tableaux qui n'ont jamais été dans le jeu. Donc, les premières versions montrent un tableau avec des petits animaux qui volent. Des genres de... Je me rappelle pas du nom, là, mais c'est des petites bestioles qui volent et qui descendent tranquillement dans le ciel. Tout ça sur un terrain de gazon. Et il n'y a jamais eu ce tableau-là dans le jeu. Mais c'est dans la version bêta du jeu. Hein, pas pire, ça? Pas pire. Il y a des vidéos, d'ailleurs, de ces tableaux-là qui existent sur YouTube. La loterie de l'État du Minnesota considérait utiliser la NES, la Nintendo Entertainment System, ouais. Le premier Nintendo, pour que les gens jouent à la loterie. Donc, le joueur aurait pu utiliser une cartouche spéciale faite par la compagnie pour jouer à leur loterie. Et un modem leur aurait permis de communiquer avec un ordinateur central. Évidemment, le plan s'est écroulé parce qu'on se disait que les mineurs allaient illégalement acheter des billets. Okay. Ça, c'est bien normal. Et finalement, ça, je trouve ça vraiment bizarre. Tu te rappelles peut-être pas de la console qui s'appelait l'Atari Jaguar. La compagnie Atari qui fabriquait ça, la Jaguar. Donc, les moules qui ont été utilisés pour faire cette console-là, qui avait une apparence assez bizarre, là, ça ressemble absolument à rien, finalement. C'est comme très, très sphérique, le dessus. Puis, t'as un genre de truc à l'avant pour mettre le jeu, je pense. Non, la cassette, je pense qu'elle allait sur le dessus. Mais en tout cas, ça ressemble à un genre de... Si tu le mets de face, on dirait quasiment un masque de Darth Vader. Donc, les moules de l'Atari Jaguar ont été réutilisés pour des caméras pour les dentistes. Machine qui coûte comme 5 000 $. Ça prend des photos de l'intérieur de la bouche du patient. Ils ont les mêmes fentes d'expansion qui étaient utilisées pour la Jaguar. Mais c'était fait pour utiliser le lecteur CD-ROM de la Jaguar. Et bien, à la place, dans cette machine-là, pour les dentistes, c'est un optional docking station. Et puis, une cartouche mémoire utilisée pour mettre les images. Et puis ça va dans la cartouche, dans la slot de cartouche qui était déjà existante sur la console Jaguar. Donc, c'est vraiment les mêmes affaires, mais genre à verticale sur un mur. Okay. Qui est utilisé pour faire les caméras des dentistes. Eh bien. 5 000 $, c'est quand même pas bien. Donc voilà pour C'est un fait. Puis, ouais, c'est ça. Ça ressemble à ça. Hein? Merci, Matt. Ça fait plaisir, François. Très intéressant. Mais là, j'ai hâte que tu me parles du iPhone. Oui, ça s'en vient. C'est ce qu'on va faire dans quelques minutes. En fait, on va écouter de la musique un petit peu. Un petit peu. Un petit peu de musique. Après ça... Tu me le prêtes? Je te le prête. Parfait. Tu t'amuses pendant que j'en parle. Je te le redonne, je suis obligé, j'imagine. Il m'écoutera même pas pendant la chronique. Je suis sûr que non. En tout cas, je vais te dire où aller voir. Tu pourras pas être n'importe où. Ah, cher. On écoute... T'as-tu quoi caché sur ton téléphone? Pardon. On écoute Trio et Greenwashing. On veut du greenwashing. On veut des tours d'avion. Des Airbus, du diesel, des mandarines toutes les saisons, des grands voyages dans le ciel, du high-tech à la maison, de la nouvelle technologie. On veut pouvoir dire pardon et soulager son esprit. On veut de la viande d'Argentine, de la biloche à tous les repas, de la world food dans la cuisine. On veut du sucre, on veut du gras, on veut moins cher, on veut meilleur, on veut toujours un peu d'ailleurs. On veut la mer, on veut l'été, même en hiver, on veut bronzer. On veut du green. C'est nous les as, les Pinocchio du marketing. On veut du green washing. Et cache les galets sous le sable. On veut des plages de sable blanc. Du réseau pour nos portables. On voudrait 4 bars tout le temps. Des orgies raisonnables, des grands échangeurs de béton. Et des amis toujours joignables. On veut des baleines et du thon. On veut du green washing. C'est nous les as, les Pinocchio du marketing. Green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green, green d'un peu moins creusé. On veut de la jeunesse en poudre et puis de la neige en été. Des grands buildings sous le soleil, des monuments pharaoniques. On veut partout, partout pareil, de la wifi, du numérique. On veut du green, green, green, green, green, greenwashing. C'est nous les as, les Pinocchio du marketing. On veut du green, green, green, green, green, greenwashing. On veut des lessives sans phosphate, des shampoings tout organiques. Des forêts pour nos 4x4, du charbon dans nos cosmétiques. Des slogans abusifs, plus blanc que blanc, plus vert que vert. Mascarade écologique pendant qu'on shoot au nucléaire. On veut du green, green, green, green, green, green, greenwashing. On veut du green, green, green, green, green, green, greenwashing. On veut pouvoir dire pardon et soulager son esprit. On veut du green, green, green, green, green, green, greenwashing. On veut la mer, on veut l'été, on veut bronzer. On veut du green, green, green, green, green, green, greenwashing. On veut des baleines et des thons. On veut du green, green, green, green, green, green, greenwashing. C'est plus les as, c'est plus les as. On veut du green, green, green, green, green, greenwashing. Au retour, on parle de l'iPhone 5 en long et en large, mais plus en long. En diagonale. Ouais. 4 pouces. 4 pouces. Ih, assemblage requis. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Assemblage requis. Vigilance auditive nécessaire, plan inclus. 7h37, toujours à Assemblage requis avec François-Louis Marchand et Mathieu Plante. Oui, c'est maintenant le temps de parler du iPhone 5. Hein. Tu l'as, là? J'aimerais ça. Passe-moi-les. T'as peur? Passe-moi-les. Attends, je vais pas te le lancer. Je vais pas te le lancer. Ben, je t'en les bains. Ouais, c'est ça. Hey, c'est Cynix. Non, mon précieux, ne quitte pas mes mains. Ah ouais, ouais, vite. Bon, ok, je le passe à François. Hey, y a pas de skin dessus, il est tout nu, là. Il est tout nu, ok? Bon. Ok. Il est tout nu. Donc, François a dans mes mains maintenant mon iPhone 5 que j'ai acheté vendredi. En fait, j'avais pré-réservé le 14. Et étrangement, dès la première heure de vendredi, le 21, sa date de sortie, il avait déjà reçu, ça avait été chippé par UPS avec mon nom dessus. J'ai appelé, j'ai pu aller le chercher instantanément et sortir avec et dépenser tout de suite mes 100 mecs de données. Et sortir avec. Ce que je vais devoir payer en over ce mois-ci sur ma facture de Bell. C'est bien le fun. Donc, François, premièrement, la raison que je t'ai fait mettre le micro comme ça sur la table, c'est juste que tu déposes l'iPhone. OK. Yeah, je vais baisser le volume, je vais monter le micro numéro 3. Ça, tu vas t'appeler, non? Non, je veux juste que tu le prends là, dépose un côté, puis après ça, laisse tomber l'autre, OK? Dépose un côté, le côté gauche. Comme ça? Ouais, c'est ça. Non. Pas aussi fort, pas un aussi grand temps. Comme ça. Le laisse tomber. Là, je le laisse tomber? Ouais. C'est satisfaisant. Tu trouves pas? Il est juste correctement pesant. Refais ça. Regarde, tu vois-tu? On dirait qu'il colle à la table tellement qu'il est... Ouais. Non, c'est bien fait. C'est le fun. Ouais. Donc, c'est ça. iPhone 5, très, très léger. 20% de plus léger que l'ancien modèle, on avait déjà parlé. Est-ce que tu le trouves trop léger? Sincèrement, écoute, on dirait, à première vue comme ça, j'ai pas vu la différence. Mais là, en fait, je sors mon téléphone, puis effectivement, il est plus léger. Les dimensions, c'est semblable. Peut-être quoi, un demi-pouce de plus. À peu près. Là, c'est sûr que tu as un plastique sur le tien, le 3G. Ouais, c'est sûr, mais j'essaie de le calculer aussi. Ouais, c'est ça. Donc, moi, ce que je trouve, personnellement, je trouve qu'il est juste assez lourd. Parce qu'en lisant sur le divan, n'importe quoi, en lisant des choses dans ta main, il est juste parfait. La seule chose que je trouve dans le look, parce que le look, je l'adore, là, mais dans la sensation dans la main, c'est le fait que les côtés sont assez coupants. Quand tu le prends dans ta main, que tu lis des choses, que tu bouges ta main, tu te coupes un petit peu l'intérieur de la main. Presque. Mais j'aime bien quand même. Je le trouve très, très beau. J'ai le modèle noir. Donc, à l'arrière, c'est en aluminium, un peu comme un MacBook Pro. Est-ce qu'ils le font en blanc aussi? Hein? Ils le font en blanc aussi. Par contre, les côtés vont être en aluminium, brossé. Aluminium brossé. Dans ce cas-ci, ils ont mis les côtés aussi noirs comparé à l'iPhone 4 et 4S. Sinon, encore une fois, côté look, qu'est-ce qu'il y a de nouveau par rapport au précédent modèle? Pas grand-chose. Les boutons sont pas mal à la même place. Ils ont changé la prise d'écouteur qui est maintenant en bas de l'appareil. Oui, tout à fait. Ce que je trouve un petit peu déplaisant, je sais qu'il fallait qu'ils le fassent pour des raisons de placement de pièces et pouvoir amincir le téléphone. Mais ce que ça fait, c'est que tu as tout le temps le fil dans les jambes quand tu es en train d'écouter de la musique et de lire quelque chose, mettons. Je pense que c'est conçu pour les droitiers. Potentiellement. Est-ce mais que t'es gaucher? Je suis gaucher du téléphone, moi. Fait que. Ouais, pour vrai. Ben, c'est pour ça. Tout le temps à gauche du téléphone, c'est vrai. Ah, ben, je pense à ça. Comme ça, en fait, là. Ah, j'ai jamais essayé mon téléphone avec la main droite. Je pourrais peut-être aimer ça, je sais pas. Mais es-tu gaucher dans la vie? Non, droitier. Non? Mais j'ai jamais pensé à utiliser mon téléphone avec de la main droite. J'ai tout le temps fait de la main gauche. Ah. Mais je bois de la main gauche aussi. J'ai pas des affaires que je fais de la main gauche. C'était comme un bidex quand ça passe. C'est ça, exactement. Dans ce qui importe. Hein? C'est un jeu de mots sur. Je vais laisser faire. Donc, François, qui m'écoute pas du tout, et je pense qu'il fait bien. Il va essayer de prendre des photos. Je vais te demander, François, si tu veux, de faire une photo panoramique. Est-ce que tu en as envie? C'est okay, une ouais, nouvelle option fait, okay, sur iOS 6. J'imagine. Il y a okay. option dans l'appareil photo. Ça, c'est moi. C'était pas ce piton-là. Ça, c'est la caméra de devant. Oh. OK, donc... Prends-en une pendant que je parle encore un petit peu du look. J'adore le look aluminium à l'arrière. J'aime le fait qu'il y a des petites vitres pour laisser passer l'antenne pour la réception et tout ça. Je trouve ça très, très bien. Le volume mute, moi, évidemment, c'est difficile de faire une comparaison entre l'iPhone 5 et l'iPhone 4 et 4S parce que je ne les ai jamais eus. Je n'ai même pas eu le 3GS, j'étais au 3G avant. Donc, la comparaison, pour moi, est tellement extrême parce que ça fait 3 ans et plus. Que j'ai pas changé d'iPhone. Donc, la plupart des choses que je vais dire, François va me corriger, va me dire que je peux déjà le faire sur mon téléphone. Fait que c'est pour ça que je parle pas trop du logiciel à l'intérieur qui est iOS 6. J'étais en train de faire une phrase sur le bouton mute que j'aime beaucoup parce que sur le 3G, je sais pas si François avait été amélioré avec ton 3GS, mais mon bouton mute s'activait tout seul dans ma poche tout le temps. Non, mais ben moi, en fait, il est tout le temps sur le mute. Hey, c'est cool. Le panorama, ça fonctionne ouais, très bien. Oh ouais, c'est. J'aime ouais, ça. Ouais. Donc, c'est tout pour côté design de la chose. J'adore ça. C'est vraiment le plus bel appareil que j'ai jamais vu dans les téléphones. Moi, sérieusement, ça bat tout. Et tu sais, les gens disent souvent que iPhone 4, 4S, 5, ça a comme pas changé. Tout ce qu'ils ont fait, c'est l'étirer avec un rouleau à pâte. Oui, mais Apple, c'est leur genre de slogan quasiment, c'est de pas changer juste pour changer. T'sais. Et eux, ce qu'ils veulent faire, c'est améliorer de plus en plus, réitérer le même produit jusqu'à temps qu'il soit parfait. Donc, c'est ce qu'ils font et ils ont vraiment perfectionné la formule et le look du téléphone. La carte SIM aussi est rendue sur le côté. Nano SIM sur le côté, plus petite carte qu'avant, en effet. Vous n'irez jamais jouer là-dedans, mais quand même, au moins, vous êtes sur le côté. C'est beau, c'est le fun. Ça fait une belle histoire. Mais toujours pas de carte SD, évidemment, c'est un iPhone. C'est fait pour que vous alliez acheter vos produits sur le iTunes Store directement et pas besoin de plus de place. Ensuite, si on parle de l'écran, de la luminosité, des couleurs, c'est un Retina Display, ça paraît, ça, Retina Display, ceux qui l'ont pas encore essayé, qui se disent « j'ai pas besoin de plus de pixels sur mon téléphone », ou ceux qui disent « de leur TV, j'ai pas besoin de plus grand puis de meilleure résolution », essayez-le, vous reviendrez jamais en arrière. Parce que le texte est clair comme c'est pas possible, les icônes, tu vois aucune différence entre les pixels, c'est absolument parfait. Hein? Vas-y. Wow! Non, mais pour vrai, là... Non, mais... C'est rapide. C'est extrêmement rapide. C'est rapide. J'ai été sur Internet, j'ai été sur Google, j'ai tapé « C'est fou ». C'est mon Dieu. Les fenêtres se pouit de l'un à l'autre. C'est beau. Incroyable. Et puis, en plus, tu peux basculer entre les applications. Je sais que c'est pas une nouveauté du iPhone 5, mais tu peux basculer entre les applications, ça se fait rapide. Double-clic sur le bouton « Accueil ». Tu peux vraiment passer d'une application à l'autre que tu viens d'ouvrir et ça se fait instantanément comme un jeu de cartes. Ça, en fait, tu peux les effacer, tu savais? Tu peux les effacer en tenant le bouton, c'est ça. Puis ça fait comme les icônes sur les icônes normales. iPhone, exactement. Ça vide moins ta batterie? Je crois pas parce que... Parce qu'ils continuent à virer, là? Non, ils sont gelés. Pas mal sûr qu'ils sont gelés, la plupart. Il y a quelques applications qui supportent, par exemple, la musique. Mettons, tu peux faire jouer de la musique, tu changes d'application, ça va continuer de jouer. Ah, l'application, c'est fou. L'application, c'est fou, fonctionne très bien sur l'iPhone 5. Évidemment, ça m'amène à parler du prochain point, qui est la plupart des applications, étrangement, n'ont pas été mises à jour. Étant donné que le téléphone est sorti vendredi, je m'attendais à ce qu'à partir de la journée de vendredi, que j'aille comme 15 applications à mettre à jour à chaque jour. Je pense que j'en ai eu 3 sur mes 370 applications. C'est ça, c'est que t'en as beaucoup, hein, d'ailleurs. Oui, j'en ai beaucoup, mais la plupart sont des applications qui ne sont pas à jour pour le iPhone 5. Donc, on met des barres noires en haut et en bas et ça devient vraiment plate de regarder l'application qui n'est pas en plein écran. Tu sais, ça arrive. Mais la plupart des vraies bonnes applications et des applications Apple sont maintenant plein écran. Autre point, en parlant d'une chose, c'était l'idée de la chronique aujourd'hui de pas trop préparer ça en termes de points, mais de juste y aller comme ça y va, c'est que j'ai reparti mon iPhone comme si c'était un nouvel iPhone. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une nouvelle bibliothèque iTunes, fait ménage de ma musique et des applications, d'un paquet d'affaires comme ça. et tout réimporter comme si c'était un nouvel iPhone en téléchargeant les applications telles qu'elles étaient sur le serveur à ce moment-là, donc pour avoir les versions les plus récentes. Et je pensais qu'en branchant le fil, le nouveau Lightning, dans le nouveau port Lightning Connector, vers mon ordinateur en USB, que ça prendrait la journée au complet. Ça a pris même pas une heure et demie et les 370 applications étaient transférées, alors que pourtant la connexion est quand même de l'USB 2. C'est supposé être là. Ça, c'est un peu gênant, non? Oui, c'est gênant. C'est sûr qu'Apple a décidé de mettre des ports USB 3 sur leur nouveau MacBook Pro Retina Display et ils n'ont pas pensé, ou en tout cas, je sais pas, pour une raison technique, j'imagine, ont pas mis de ports USB 3 sur leur iPhone 5. C'est une opportunité ratée, c'est sûr. Mais étant donné qu'ils ont changé le dock connector qui était là depuis, je crois que c'était 9 ans, quelque chose comme ça, maintenant, ils vont pouvoir potentiellement plus tard faire un port USB 3. Peut-être que ce sera rétrocompatible, j'ai aucune idée. Je connais absolument pas ce domaine-là. J'aimerais bien. Mais pour l'instant, il va falloir se contenter du USB 2. Par contre, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé avec le iPhone 5, j'imagine que c'est la même chose dans le 4 et le 4S, c'est que maintenant, tu peux te connecter à ton iTunes sans avoir à brancher ton iPhone. Donc, le iPhone, je le branche maintenant seulement pour le brancher dans le mur et le recharger. Pour le recharger, ouais, la synchronisation des applications et la musique se fait Wi-Fi. Ça, j'adore ça. Je trouve que c'est une excellente idée de le voir aussi sur ton iTunes. Tout de suite, tu as ton iPhone. Tu peux même changer tes applications de place, les mettre dans d'autres pages et tu n'as pas besoin de t'en faire jouer dans le fil. Où est-ce qu'on pourrait aller ensuite? Là, je suis sur l'article de TheVerge.com, juste pour m'accompagner d'images et pour me donner des choses à dire. Les écouteurs EarPods qui viennent avec le nouvel appareil vont sûrement faire plaisir à bien des gens côté qualité sonore et côté emplacement dans l'oreille. Par contre, moi, apparemment, j'ai des trop gros trous d'oreille encore avec ces écouteurs-là. Ça tombe tout le temps. J'ai essayé de faire le ménage avec les nouveaux écouteurs hier et j'ai abandonné après, mettons, une demi-heure pour essayer de vraiment leur donner leur chance. C'est juste triste de perdre la fonctionnalité de monter le volume, partir Siri ou n'importe quoi comme ça avec les écouteurs, alors que d'autres écouteurs, tu peux pas le faire, à moins d'acheter des écouteurs spécifiquement faits pour le iPhone. Côté, est-ce que je pourrais y aller avec la caméra? Tiens, la caméra est sensiblement la même que l'iPhone 4S. Par contre, ils ont changé la lentille qui est cristalline ou un certain cristal sur la lentille qui est supposé la protéger plus? Ouais, c'est ça, améliorer la qualité de l'image aussi, j'imagine. Okay. Donc, en tout cas, moi, je trouve que les photos me vont parfaitement. Pour un appareil point-and-shoot, les critiques ont l'air de dire que c'est pas mal le meilleur téléphone, la meilleure caméra de téléphone qui existe en ce moment. Donc, pourquoi pas? Moi, j'ai pas besoin de plus que ça. Vraiment pas. Donc, ça me satisfait pleinement. Et c'est beaucoup mieux que l'iPhone 3G, de toute façon. Hein. Tu passes vraiment d'une étape à une autre. Et là, en plus, je peux prendre des vidéos avec. Donc, je me plains. Tu fais pas sur ton 3? Non. Non? Pas le 3G, ça a commencé avec le 3GS. OK. Ouais, c'est dommage. Le port Lightning, comme on en parlait, on peut brancher le fil des deux côtés maintenant. Donc, c'est super pratique pour quand tu as à le brancher. Ça fonctionne très, très bien. Par contre, le désavantage, ça m'amène à parler du dock. Apple a décidé de ne pas produire de dock cette fois-ci. Et ça me frustre vraiment beaucoup. Drôle d'idée. Je suis allé chez différents magasins d'électronique pour voir s'ils avaient sorti des docks de d'autres compagnies. Non, c'est toujours pas fait. Sûrement qu'on va devoir... La raison, c'est qu'Apple dit... que les gens qui achètent un dock ou les gens qui sont ouverts à acheter un dock vont souvent acheter un réveil matin ou des enceintes, des colonnes de son. Pour avoir un dock dessus, ils n'achèteront pas un dock tout seul juste pour brancher le téléphone. Mais moi, j'ai juste besoin d'un dock pour brancher le téléphone. Puis ce qui était le fun avec le dock Apple, c'est que tu branchais le petit socle. Là, on parle de dock, on parle d'un socle pour mettre le iPhone debout. Là. Ceux qui ne connaissent pas le terme. Donc, tu branches l'iPhone et tu as une sortie d'audio. Donc, tu peux l'emmener dans un système de son. Donc, tu pouvais simplement brancher ton iPhone sur l'appareil et avoir un système de son. Tu pourras plus faire ça. En tout cas, pas de Apple. Je suis sûr que ça va venir. Là. J'en ai pas trouvé à date. J'ai trouvé des fils Lightning déjà de d'autres compagnies. iTrons, entre autres. Mais pas de dock. Mais c'est ça. Donc, excellent petit fil, même si c'est encore une fois de l'USB 2.0. C'est à peu près la même grandeur qu'un micro USB. Je m'attendais à ce que ce soit un petit peu plus gros. C'est vraiment très, très, très, très petit comme fil. C'est le fun. Côté performance, tu l'as dit, il n'y a rien qui saute, ça va super vite. T'as pas d'attente dans absolument rien, même quand on trouve des applications qui... Moi, dans le temps, juste l'application Message Texte, je devais attendre un bon 10 secondes avant que les textes s'affichent. Maintenant, c'est... Mais là, c'est rapide. Là. Ouais. Et, on voit que c'est vraiment... C'est puissant. La grosse coche. Juste des petits détails qui ont changé. Je sais même pas si c'est dans iOS 6 ou si c'était comme ça avant dans le 4S. Là. Mais maintenant, quand tu tapes un message texte, tu peux tasser le clavier complètement pour voir la liste de tes messages en haut. Ça, j'aime vraiment ça. OK. Des petits détails qui me font plaisir comme ça, qui me frustraient sur le 3G. Côté pile, c'est sûr que je l'ai seulement depuis vendredi. J'ai joué beaucoup avec et ça m'a pris toute une journée au complet avant de décharger la batterie et je l'utilisais vraiment presque en permanence à journée longue. Là, je l'ai branché vendredi soir en arrivant chez nous pour synchroniser des applications avant de me rendre compte que je pouvais le faire Wi-Fi. Et j'ai réussi à durer sur la batterie jusqu'au lendemain soir à peu près à la même heure. Ah ouais. Donc quand même, en l'utilisant, en regardant des vidéos, en téléchargeant plein d'applications Wi-Fi, quelque chose comme ça, ça a duré vraiment longtemps. Mais il va falloir l'utiliser un petit peu plus longtemps encore pour savoir vraiment combien de temps tu peux faire de façon réaliste avec utilisation normale. J'ai pas pu tester les vitesses 4G, évidemment, parce qu'à Trois-Rivières, comme tu l'as vu dans l'icône en haut à gauche, c'est encore 3G. Là, c'est pas... Là, on est sur le Wi-Fi. On est sur le Wi-Fi, OK, en effet, tout à fait. Sur le merveilleux Wi-Fi de l'université, qui, des fois, fonctionne, donc tant mieux. C'est tant mieux comme ça. Mais apparemment que les vitesses 4G LTE dans les grandes villes vont vraiment, vraiment vite. Mais ça va venir ici, là. Ça va venir. C'est une question de telle. Et ça va plus vite que ton modem à la maison sur ton ordinateur du 4G. Donc, attendez, mettez la barre haute dans votre tête pour ça. On parle beaucoup du logiciel iOS 6. Là, je ne veux pas vraiment faire le tour de chaque option. J'ai testé l'application Carte, le Maps d'Apple, qui a plein de bugs dedans. Les gens chialent vraiment beaucoup sur l'application de Maps. Ils ont remplacé Google Maps par leur propre application de carte. Et vous pouvez voir, je pense qu'il y a même des blogs là-dessus sur Internet de choses bizarres qui se passent dans Maps. Par exemple, un pont qui a l'air de rentrer dans la Terre ou ah ouais? Par-dessus la Terre. C'est génial. Mais c'est bizarre parce que Google Maps fonctionnait bien. Oui, mais en fait, ils veulent avoir le... C'est ça, Apple, c'est un petit peu... Ils veulent faire les choses à leur façon. Ouais. Ils ont enlevé l'application YouTube aussi d'iOS 6, donc on est rendu avec une application standalone faite par YouTube que vous devez aller télécharger sur le... Fonctionne bien, d'ailleurs. Fonctionne très, très bien, la nouvelle application. C'est beau. C'est plus beau que l'ancienne, ouais, je trouve. Moi aussi, je trouve. Plus facile à gérer, plus facile à tourner la vidéo de bord. Ouais, exact. Ça, c'est bien, belle fun. Côté Maps, j'espère que Google va sortir son application Maps pour qu'on puisse remettre ce qu'on a. J'imagine. Côté courriel, vous pouvez maintenant faire le pull to refresh là, comme sur la plupart des applications comme Twitter, actualiser en tirant par en bas, ça, j'aime beaucoup ça. Ça c'était déjà là. Non, c'est nouveau à iOS 6. Ben moi je pouvais avec l'application Gmail. Ouais, mais là François, on parle des applications de base là, mais oui, tout à fait, en effet, tu avais raison, mais l'application de base le faisait pas, ce qui est triste. Ça c'est poche. Effectivement, l'application Gmail pour un Gmail là en fait. Ouais, ben pas encore iOS 5 par contre, iOS 6, c'est pas excuse-moi, pas encore iPhone 5, c'est bien là les termes, il est pas encore fait sur le long l'application Gmail. Malheureusement. Okay. Ça va venir Sparrow non plus, un paquet d'autres logiciels vraiment utilisés comme tu dis, ne sont pas encore mis à jour, mais les applications de base ici donc on peut maintenant le faire. Siri, je l'ai essayé. Ça fonctionne très bien. La voix francophone n'est pas très bonne. J'imagine. Pas très, très bonne. Je voudrais bien essayer de te le faire dans le micro, mais tantôt, ça n'a pas tellement marché dans ce que je voulais faire, donc je ne te le redemanderai pas. Passbook, ça, c'est la nouvelle fonctionnalité pour faire des paiements ou des trucs comme ça. Ça fonctionne sûrement, mais je ne l'ai pas essayé parce qu'il n'y a pas de commerce qui supporte ça ici. Il y a comme Cinéplex Odéon, puis j'ai pas de cinéma. Imagine les billets d'avion, d'ailleurs, ils disent aussi... acheter ton billet d'avion. Oui, oui, c'est ça. Il y a des animaleries aussi qui vont avoir ça. Des animaleries PetSmart, entre autres, aux États-Unis, qui vont avoir ça. Sinon, ben, c'est ça. Moi, en tout cas, ben, je suis on ne peut plus heureux de mon achat. Ça fait une méchante marge entre le 3G et le 5. On est très, très heureux. Je vous ai posté quelques articles sur les nouvelles fonctionnalités de iOS 6 et de l'iPhone 5 sur assemblagerequis.com. Ils ont changé tellement de petites affaires. C'est juste le fait que la barre en haut, à la place d'être tout le temps noire, elle change par rapport à la couleur de l'application que tu utilises. OK. C'est le fun. Si tu vas dans différentes applications, tu vas voir la barre en haut change de couleur. Tu sais, c'est des détails que les fans d'Apple sont comme super excités, mais ça change absolument rien. Absolument rien. Le clavier du téléphone a changé de couleur aussi, des trucs comme ça. Donc, c'est cute. C'est le fun. Moi, c'est surtout pour la machine que je l'ai acheté. iOS 6, comme on l'a déjà dit, tu peux l'avoir sur ton 3GS, tu peux l'avoir sur le 4, sur le 4S. Mais probablement, François, que ça va être la dernière fois que tu vas pouvoir mettre à jour ton système d'exploitation parce que 3GS, c'est ça. Moi, une belle amélioration d'ailleurs qu'ils ont faite à iOS 6 quand j'ai mis mon téléphone à jour, je me suis rendu compte de ça. Si tu me téléphones, je peux te répondre par un message texte. C'est le fun, hein? C'est très cool. Il était temps? Ouais, ouais, c'est très, très cool. Tu peux aussi te faire rappeler de rappeler la personne. OK, non, je sais pas. Quand quelqu'un t'appelle, je crois que tu peux faire comme les notifications de draguer par en haut, mais tu dragues par en bas, ça te sort deux boutons, genre me rappeler de le rappeler, et puis envoyer un message texte. Ça se peut-tu? OK, ouais, ça se peut. C'est très cool, c'est une bonne idée pour vrai. Mais ça. Sincèrement, là. Donc, ça s'améliore beaucoup. Évidemment, les fanatiques d'Android vont dire qu'il manque encore plein d'affaires. Mais tu sais, la plupart des choses qui manquent, comme le NFC, le Near Field Communication, de pouvoir te placer contre quelque chose. Transférer les données. C'est ça. Tu sais, on peut le faire par bump, comme on l'a déjà dit. Mais c'est pas la même chose. Puis ça y va par le réseau, alors que NFC serait vraiment par. Juste par. transfert d'appareil à appareil, genre. Un peu sur Bluetooth. J'imagine, je non? Sais, je sais pas, je voudrais pas m'avancer, je connais pas assez ça. Mais c'est ça, Apple a décidé de pas le mettre parce qu'ils disent que c'est pas encore assez utilisé. Mais justement, peut-être que s'ils l'avaient mis, là, ça serait devenu utilisé. Ça. En même temps, bum, c'est une affaire. Hein. Ouais, mais c'est pas exactement la même chose techniquement, mais ouais, quand même. Donc, très non, cool, une belle machine, Matt. Ouais. Je regrette pas du tout mon choix. Je pense que la plupart des gens qui l'ont acheté ne le regrettent pas. Tu sais, tu peux pas faire mieux pour l'instant, je pense, t'sais. La qualité de l'écran, la qualité du processeur dedans, A6, super rapide. C'est imbattable, je trouve, à mon avis. Mais tu sais, je suis biaisé parce que j'aime beaucoup la machine. Mais moi, c'est ça, j'aime l'écosystème Apple, j'aime les machines Apple, j'aime comment c'est fait. J'ai rien contre Android, absolument pas. Non, ils font quand même des bonnes machines. Ouais. Selon les tests, l'iPhone 5 bat les derniers Android, pour l'instant. Mais aussitôt que le S4 va sortir, ça va être le Galaxy S4. Ouais. Ça va battre l'iPhone, ouais. Yep. Eh bien, je te le redonne à deux mains, comme ça. Merci. Si. Ah, oh, attention. Ah, juste une main. Ah. Yeah. Ma chère bête. est revenu au barcaille. Mais là, t'as pas de protection dessus, est-ce que t'en mets une? Ben, j'ai acheté une protection. Ouais. Honnêtement, je te dirais que ça a duré une demi-journée. Je me suis dit, c'est pas confortable. C'est parce que c'est vraiment fait, tu sais, c'est tout le temps fait en plastique ou en caoutchouc, quelque chose comme ça. C'est juste pas confortable à tenir. Puis, tu sais, ça dépasse sur les côtés. Donc, quand t'écris un message texte, t'as tout le temps t'es tout le temps sur le plastique à la place d'être sur l'appareil, j'aime pas ça. De toute façon, tu sais, si tu fais attention, je vois pas vraiment. Tu sais, j'ai déjà échappé à mon ancien, mon 3G. Pas volontairement, pas. J'espère. Non, mais tu sais, je veux dire, pas en m'accrochant dessus. Souvent, c'est que j'ai une alarme sur mon iPhone, puis le buzz de la vibration fait qu'il avance, il avance, il avance. Puis comme le iPhone n'arrête jamais ton alarme, à moins que tu lui dises de l'annuler, ça arrête jamais l'alarme. Jamais, jamais, jamais. Ben, il faisait buzz, drop, tu sais. Puis il est tombé du bureau. Puis là, tu t'es levé. Là, je me suis levé. C'est un bon moyen, tu sais. Non, j'ai toujours préféré mes téléphones nus. Mon 3G est en quand même assez bon état, même après 3 ans. Donc, je pense que je vais continuer comme ça. Malgré que celui-là, comme tu l'as vu, c'est la raison que je te le faisais mettre sur la table tantôt, non seulement c'est très satisfaisant qu'il colle à la table, mais après ça, c'était pour te faire voir que c'est difficile de le relever de la table. Comme s'il y avait plus d'air. C'est comme s'il n'y avait plus d'air. Il est vraiment. Faut vraiment que tu te pognes quasiment avec tes ongles en dessous pour le sortir de la table. L'enlever de la table. Je sais pas. Il est glissant aussi, tu sais. Quand tu le prends, tu es en train de lire, si t'as les mains moyennement moites, ça me surprenait pas qu'il glisse par en bas. Il est dur à tenir aussi, tu sais. Côté, ouais, moi aussi, je trouve ça un peu. Parce que moi, là, c'est dur à la radio de l'expliquer, là, mais j'avais tendance à mettre mon petit doigt en dessous de mon iPhone, mon ça ancien, fait. OK, pour qu'il tienne dans ma main. Et quand tu fais ça, ton pouce ne se rend vraiment pas à l'autre bout de l'écran, dans la diagonale en haut à droite. Vraiment, vraiment pas. Faut que tu le tiennes un petit peu plus dans le milieu, je trouve. Pour réussir à faire... là, je le tiens avec dans le milieu sans le tenir avec mon petit doigt. Puis je suis capable de faire pouce en bas à droite jusqu'à pouce en haut à droite facilement en faisant ça. Okay. Mais c'est pas une position naturelle pour moi. Faut réapprendre à utiliser son iPhone. Parce qu'il est vraiment... Tu sais, il est pas physiquement tant plus long que ça. Mais c'est ces millimètres-là qui ont été calculés comme ça dans l'iPhone 3G, 4S ou avant, la dimension était faite exactement pour que ton pouce puisse se rendre là. C'était calculé, tu sais. Alors que là, en l'allongeant, en faisant du 16:9 avec, ce qui est parfait pour regarder des vidéos YouTube et tout ça, puis lire des pages web, j'adore la dimension, mais ça vient défaire cet objectif-là. Tu peux presque te rendre, mais pas complètement. OK. Pas complètement. Mais quand même. Tu sais, c'est un petit défaut qu'on est prêt à... On est prêt à affronter ce défaut-là pour avoir une plus longue page web. Tu sais, mettons. Ou une icône de plus dans ton... dans tes pages d'application. Et ça, écoute, il y en a encore de disponibles? Ben, c'est ça. Moi, comme je te dis, je l'avais précommandé pour être sûr de l'avoir. Là, toi, ton ami est allé s'en réserver un la semaine passée ou en fin de semaine? Il était en fin de semaine, ouais, c'est ça, exactement. Il en restait plus, donc il était troisième sur la liste. Ouais. Donc, en fait, il devrait le recevoir cette semaine, qui s'est fait dire. Mais c'est sûr, en fait, pour les gens qui en veulent, c'est vraiment dans les boutiques de téléphone. Futureshop ne vend pas ça. Futureshop, je pense que oui. Ah ouais, pour vrai? Okay. Je l'ai vu. Ah, tout à fait, okay, il okay, okay. Ouais. Par contre, c'est sûr qu'ils l'achètent en ligne sur le magasin d'Apple. Je sais pas si ça a changé, mais la semaine passée, il y avait un bon 2-3 semaines de délai pour l'envoi de ces iPhones-là directement de l'Asie, j'imagine. Donc, si je clique sur iPhone, juste pour essayer de le commander, buy now, l'iPhone 5, version débarrée à partir de $699. Ensuite, 800 pour le 32 Go, 900 pour le 64 Go. Yeah, 900$. Exactement. Ça fait mal. Ça dit disponible dans les 3 à 4 semaines pour le 32 Go. Même chose pour tous les autres modèles. Ouais, exact. Donc, si vous l'achetez sur Internet débarré, là, version que vous pouvez aller mettre sur n'importe quel fournisseur, même ceux qui ne fournissent pas leur iPhone d'habitude, c'est ces prix-là. Si vous le prenez à contrat, évidemment, c'est beaucoup moins cher. Là, c'était dans le coin de... c'était 179, 279, 379. Et si tu l'achètes, mettons, à plein prix comme ça, et tu vas chez le fournisseur, est-ce que ton forfait est moins cher? Ben, ce que j'avais lu, c'est que t'étais obligé de prendre un contrat pour les données. Ouais, genre, pour avoir Internet. C'est ça, pour avoir Internet. Donc, dans le fond, tu payes ton forfait de données. Puis après, mais ton forfait, est-ce qu'il est moins cher vu qu'eux autres, en fait, n'absorbent pas le coût de la machine? Il y avait quelque chose là-dessus sur le site de Bell. Dans la section des plans, il parlait qu'il y avait un rabais si tu amenais ton propre téléphone. T'as un petit peu Fab Promo Plans. Oui, donc si tu amènes un téléphone débarré chez Bell, ils donnent 10% de rabais sur tout leur forfait par c'est mois. 10%, c'est pas grand-chose. Non, c'est ça. Donc, tu reviens pas dans ton argent? Non, je sais pas si ça vaut tant la peine que ça d'acheter un téléphone débarré au Québec. Je sais pas. Eh bien, je sais pas. Mais c'est ça. C'est tout. Je pense qu'on n'arrête pas de dire qu'on a plus rien à dire, puis après ça, on se trouve d'autres choses à dire. Mais bon. Je suis très, très heureux. Je pense que je vais arrêter de vous acheter avec l'iPhone. Je sais qu'on a parlé 3 fois jusqu'à maintenant. Là. Peut-être une fois de temps en temps, parler d'application serait pas pire. On va peut-être faire ça. Oh, ouais, tout à fait. Ouais. Hey, j'aime tellement le Notification Center. J'ai-tu dit ça? Non, tu m'en as pas dit. Ça me dit que j'ai un courriel. C'est le fun. C'est fou comment tu peux être impressionné parce que t'étais tellement en retard. Avec... Ouais, c'est ça exactement. Tu sais, 3 ans. Puis j'avais acheté le 3G juste avant la sortie du 3GS. Hein. Fait que j'étais vraiment littéralement 4 modèles en retard. Moi, j'ai acheté mon 3GS quand ils ont sorti le 4. Ouais. Mais toi, tu l'as fait par exprès parce qu'il était moins cher. Ouais, il était moins cher en fait. Puis écoute, le 4, il y avait aussi le problème de l'antenne là, qui dit. Ouais. Donc, j'étais comme pas certain. Puis, le 4 en fait, est rendu gratuit, hein, d'ailleurs, c'est ça. Ouais, j'imagine. Ben, sur 3 ans. Sur okay. 3 ans. Non, en fait, puis je suis pas déçu. En fait, parce que j'ai plein d'options que t'as pas non plus sur le 3. Puis tu sais, je suis comme pas vraiment en retard encore. Exactement. Non, c'est ça. T'es pas en retard. T'es juste sur le bord. C'est juste sur le bord. Moi, ce que j'aime, ce que j'aime pas, premièrement, des plans de 3 ans, c'est que t'arrives entre deux modèles. Comme là, mettons, tu sais, si je reste le 3 ans, là, j'ai le 5. Ouais. Je sauterais le 5S. Ouais. Je sauterais le 6. Le 5S, c'est à chaque année? Ben, à date, si on se fie au cycle d'Apple, on sait jamais. On sait jamais parce qu'ils changent d'idée une fois de temps en temps, tu sais. Ils peuvent sauter un an, peut-être. Ou... Ben, ça me surprendrait qu'ils sautent un an, par contre. Il y a tellement d'attentes et de demandes que s'ils en sortent pas à chaque année. Ils vont se faire shifter. C'est ça. Okay, c'est non, moi, je pense que ça va continuer comme ça. Je sais pas s'ils vont continuer le 5S parce qu'on rappelle que iPhone 6, que iPhone 5 est dans le fond le 6e modèle. Ça. T'as eu iPhone 3G directement. 3GS, 4S, 5. Donc, je sais pas. Mais c'est ça. Tout ça pour dire que si je gardais 3 ans, je finirais avec un 6S. T'sais. Ouais. Mais peut-être que là, avec les nouvelles lois, je vais pouvoir changer dans 2 ans, payer seulement une pénalité de 100$, genre, à peu près. Ouais. Puis passer tout de suite au 6. J'aimerais ça être sur le cycle du 2 ans, j'aimerais bien ça. Comme aux États-Unis, tu sais. Aux 2 ans, changer avec le gros nouveau modèle, ça. En même temps, certains diraient, attends à un cycle S, et ensuite, vas-y aux 2 ans, comme ça, tu vas avoir tout le temps la version améliorée de l'ancien modèle, ça. Il y aurait ça. Ouais, aussi. Mais ça n'a pas de fin, tu sais. Ça n'a pas de fin. Mais c'était toujours mieux d'être sur un S que sur un pas S, là, dans ma tête, tu sais. Ouais. Parce qu'il améliore tout le temps pas mal, tu sais. Ouais. On voit ici, il y a des défauts n'importe où. Ouais. Tu sais, comme là, il y en a qui ont des problèmes de Wi-Fi sur leur iPhone 5. T'es sérieux? Il y en a qui disent ça. Ah ouais? Je sais pas. Que quoi, le Wi-Fi, il rentre pas bien? Ça dépend de la sorte de connexion que tu utilises à ton modem, là. Genre, okay. Je me rappelle pas c'est lequel, mais que si tu vas sur cette option-là de Wi-Fi, tu vas avoir des vitesses extrêmement lentes. Oui. Si tu vas sur l'autre option, c'est normal. Je sais pas, mais j'ai pas eu ce problème-là encore à date. Mon Wi-Fi va très bien. En hommage à l'iPhone, on y va avec notre classique pour ceux qui sont jaloux. Et je vous comprends très bien. J'ai attendu 3 ans pour l'avoir, fait que c'est pas comme si je l'avais pas mérité. Mon iPhone 5. J'ai attendu 3 ans. Hey, fais pas semblant de faire pitié. J'ai pas eu le choix. C'est pas comme si je l'avais fait exprès. Il me faut attendre 3 ans. C'est bien trop long. Alors, okay. Voici ce que je voudrais. Hein? Ce que je voudrais être un iPhone 5. Mais je l'ai. Okay. Tu veux plus rire. Il est cute, mon fond. Ouais. Un petit nuage. Ça vient comme non, ça. Non, c'est moi qui le... Oh, excuse-moi. Ce que je voudrais n'existe pas. Ce que je voudrais n'existe pas. Laisse-moi tu t'en vas. Ce que je voudrais de Fanny Bloom. On ouais, se iPhone retrouve, 5. iPhone 5. Je veux ça, là. Tu veux ça, hein? Toi, tu t'es créé le besoin en... Non. Mais moi, c'est pas super. Je pensais que c'était la raison pour laquelle tu voulais pas le voir. C'était parce que tu allais t'en acheter un si jamais... Non, mais je voulais le voir en ondes. Je voulais donner mes commentaires, mais là, j'ai été absorbé un peu trop à essayer, tu sais, de regarder, jouer un peu dedans. Tout faire. T'sais. Ouais, tout faire. J'ai des bonnes applications, pas mal. Ouais. Mais t'en as beaucoup trop. Écoute, j'ai même pas ouvert tes sous-dossiers, là, tes dossiers. Ouais. Ben, c'est la raison de passer un 32G. C'est con, mais j'avais 8 avant, fait que... 4 fois la place, les gars, je vais être au moins un petit peu lousse. 16, j'aurais tant jusqu'au prochain. C'est ça, prochain. Mais je comprends. J'aurais aimé que le modèle de base soit 32, ensuite 64, ensuite 128. Un jour, peut-être. Parce qu'il a fallu que je paye un extra pour avoir le 32G. J'aime pas me mettre ça payer 100$ pour juste le double de place. Je trouve pas ça très, très raisonnable. Mais bon. On se quitte, on revient tantôt avec Alexandra Carignan qui s'en vient juste là bientôt. Yeah! Elle va nous parler de la face cachée de la Trifluvie. Oui. Et d'art spectacle. Et d'art spectacle. On reste là? On reste ici. On bouge pas. Faites-moi ton téléphone. Je te l'entends. Ah, là. Vas-y, voir. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89 ans. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous êtes toujours à Assemblage requis en ce lundi 24 septembre 2012. Il est 8h11 et moi c'est Mathieu Plante. Et moi c'est François Olivier. Oui, là on a assez parlé d'iPhone, je pense. Bon, on arrête. Là, je pense qu'on crée des jaloux, là. Oh, il y a Mathieu Plante qui peut s'acheter un iPhone. J'étais hors contrat, là. J'étais entre deux périodes. Bon. J'avoue que c'est facile d'être jaloux de ça. Moi aussi, j'étais jaloux à chaque année depuis le 3GS, tu sais. C'est comme, ah, 3GS, ah, le 4, ah, le 4S. Ben, me voulons enfin prêt. On écoute du Tremblay, en fait, sur l'album Ça va, ça va. Ça, c'est Maxime Desbiens Tremblay. Voici Marie Plastique. Après ça, on parle avec Alexandra Carignan, qui est juste là. Oui. Réveillé, son. Les yeux des autres. Des filles comme ça, y'en a toutes les sortes. Des beautés gâchées sur Photoshop. Qu'est-ce que tu prouves, à qui tu veux le prouver? Est-ce que tu trouves ou tu fais rien que chercher? Marie Plastique. Ton fer plat, tu travailles trop pour plaire. Ouais, t'as l'air plate, laisse donc tes cheveux se défaire. Marie, t'es belle, pose ton sourire avant que ton visage se déchire. Marie Plastique. Marie Plastique. Ça te voit bien les seins gênés derrière. Mon t-shirt sali fini du temps que j'habitais chez ma mère. Tu peux rester tranquille, as-tu vu de quoi te l'air? Marie Plastique.

de te retrouver. Je me suis lassé de ton image. Je ne veux plus que t'espérer et voir enfin ton vrai visage. Viens me trouver, je manque plus de cet espace. Les incarnés, je ne suis pas ton mot de passe. Je voudrais tout déconnecter, vivre une vraie réalité. Viens me rejoindre, ce n'est pas nous sur cet espace. Et le reflet que tes sourires que l'on ressasse. Une vision ou un mirage. On doit enfin tourner la page de mon espace. De mon espace. Retour à la chronique d'art et spectacle avec Alexandra Carignan. Rassemblage qui pour toi aujourd'hui. C'est fou depuis un bout. Le plan de demain à assemblage requis. Maxime Tanguay nous fera entendre un autre groupe de musique indie. Michel Lebrun nous présentera un autre segment juridique et David Ferron recevra notre collègue Danny Janvier pour parler de son nouvel album. C'est demain de 7h à assemblage requis. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Jusqu'à 9h, vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées. Assemblage requis. Oui, c'est bien assemblage requis. Il est 8h30, quelques minutes, dépendant de l'horloge que l'on regarde. Il y en a plusieurs dans le studio. Juste dans le studio, on n'est même pas capable de se timer. Hein? Non. Imagine ailleurs. Imagine les gens à la maison qui se fient sur nous autres. Ils sont mieux de pas se fier. Je pense que non. Donc, vous entendez Alexandra Carignan qui est là pour sa chronique Art et spectacle. Ben oui, c'est moi ça. Salut encore. Ben oui, salut. Bonjour. Ça va toujours? Ça va toujours. Ça va même mieux. Mieux que tantôt? Plus je parle, plus je suis réveillée. Aha! C'est ça le truc. C'est ça le truc, exactement. C'est pour ça que l'émission commence à 7h, puis la deuxième heure est bonne. Ah oui, c'est ça. On est réveillé dans la deuxième. Ça. Donc, on parle de quoi aujourd'hui dans ta chronique? Eh bien, on va parler de deux choses. Premièrement, d'improvisation encore, vous me dites, mais bien d'une autre ligue et non pas de la huître. Mais je vais quand même parler un peu de la huître pour faire une petite pub. Et la deuxième chose de laquelle on va parler, ça va être de court-métrage extérieur. Cool. Alors, premièrement, on va parler de la LIM, la Ligue d'improvisation mauricienne, qui, mine de rien, est la troisième plus vieille ligue au monde d'improvisation. Au monde? Oui, mais en fait, il faut dire que l'improvisation est un concept complètement québécois. Je savais même pas. Il a été inventé ici par Robert Gravel. Et en fait, il y avait de l'improv, que les Anglais appellent. Ouais. Improviser, ça se fait depuis plusieurs années. Mais c'est ici, au Québec, où est-ce qu'on a décidé que ça se passait sur une improvisoire, qu'il y avait un juge. Ça, c'est la scène avec un peu comme les... Exactement. C'est, les murs, en fait, le jeu de l'improvisation, le match, a été inventé ici, au Québec, par Robert Gravel dans les années 80. Et la première ligue, c'est la LNI, la Ligue nationale d'impro. La deuxième, c'est la Ligue universitaire d'improvisation, la LUI de Québec. Et la troisième, c'est nous. C'est la LIM mauricienne, la Ligue d'improvisation mauricienne. Et cette année, c'est leur 30 ans et ils ont décidé de complètement changer de concept. Donc, si vous connaissez l'improvisation avec une improvisoire, un arbitre, des points, des pénalités, eh bien, la LIM, elle a décidé de tout changer ça. Elle est en grande crise identitaire, en fait, et on a complètement enlevé, premièrement, les arbitres. Il n'y a plus d'arbitre. Non, il va y avoir des maîtres de jeu, qu'on appelle, qui ne vont pas nécessairement juger. Ben, en fait, ils ne vont pas juger et réglementer le jeu comme un arbitre le fait, mais vont bien plus donner un élan au spectacle, le diriger. Un peu comme un genre de Dungeon Master à Donjons et Dragons. Si tu le dis, je ne le sais pas, je n'ai pas le référent. Et en fait, c'est ça, il va plutôt donner comme, ben, cette improvisation-là, elle va être peut-être... Mais là, je sais pas, moi, je me fie à ce que la Ligue de Montréal fait, ce que je pense qui ressemble un peu à la mauricienne. C'est des impros courtes, moyennes, longues. Donc, il n'y a pas vraiment de temps durée. Ça va selon... Quand on voit que l'improvisation se termine, Naturellement. Naturellement, exactement. C'est un style de jeu qui est beaucoup plus théâtral, qui est misé sur la recherche en improvisation et non pas le gag. À la Luître, c'est beaucoup ça, mais en même temps, on est dans un bar et c'est l'esprit de compétition qui est très, très fort. Donc, j'ai le point parce que j'ai failli me montrer le pénis. Ben, c'est ça, mais c'est pas grave. On aime ça pareil, tu sais. Et là, on a voulu vraiment y aller sur un style beaucoup plus théâtral. Mais est-ce que tu penses que ça va être un renouveau nécessaire ou est-ce que c'est quelque chose que les gens vont dire, tu sais, ah, j'aimais beaucoup mieux l'ancienne formule, est-ce que c'est changé en fait, pour changer? Comme l'expliquait Luc Mascotte, qui est le directeur artistique de la Ligue, c'est quelque chose, c'est bien que la lime se renouvelle. Sinon, parce c'est stagnant un peu. Mais en fait, c'est stagnant et ça vient du pareil au même en improvisation à Trois-Rivières. Parce qu'on a les SCABS du Cégep et la Luître de Trois-Rivières qui ont le même style, un style de jeu qu'on appelle gravelien. Donc, selon ce que Robert Gravel a établi, les points, l'esprit de compétition, la très grande ressemblance au hockey. Au hockey, oui, exact. Et la lime a décidé, puis c'est souvent le même public, hein? On n'a pas 2000 personnes. Chacun change de ligue tout le temps, mais c'est tout le temps le même genre. Oui, ça dépend. En fait, okay. La lime va aller chercher un milieu plus éclectique, puisque pour faire partie de la Luître, faut être inscrit à l'université. Ouais. Et les SCABS, faut être inscrit au cégep. Alors que la lime, faut être vivant. Alors, il y a beaucoup la plupart des gens sont corrects là. Exactement. Et la lime a justement voulu... c'est souvent le même public, là. On s'en cachera pas, là. Les gens qui aiment l'impro, ils aiment l'impro. Exactement. Et ils se sont dit, on va essayer de se démarquer, justement, de ce style-là. Donc, pour moi, je crois que c'est intéressant. Je sais pas si c'est nécessaire. En fait, personne le sait. On va le savoir au courant de l'année. À savoir si finalement ça est pas mal la merde, on va revenir au style gravelien l'année prochaine, ou si c'est effectivement très intéressant et ça va apporter de nouvelles choses au milieu d'improvisation de Trois-Rivières. Ouais. Et aussi ça permet en fait de diversifier les joueurs en fait. Comme tu l'as mentionné tantôt, il y en a plusieurs qui sont dans plusieurs ligues en même temps. Souvent la Luître et la Lime. C'est des improvisateurs de carrière. Exactement. Ouais. Et Il dit, il y a beaucoup de personnes qui font partie de la Luître qui vont venir en fait se chercher à la lime, qui vont venir essayer de nouveaux trucs. Et il veut justement créer un sentiment d'appartenance envers la lime, puisque beaucoup des joueurs qui jouent à la Luître ont leur sentiment d'appartenance pour la Luître. C'est très chaleureux, c'est très différent. Et lui a justement voulu dire, on va se démarquer pour que les joueurs soient intéressés. C'est pas juste une autre soirée d'impro, c'est une autre expérience théâtrale. Donc, ça va être très intéressant à voir. La salle va être différente. Il va y avoir... il n'y aura plus de bande. Donc, ça va être à la comme salle théâtre, de Philippe Poisson. Salle, ça va scène. Être plutôt comme au théâtre, je crois. J'ai pas vu la scène. En fait, j'ai l'impression que la Lime essaie de garder beaucoup de surprises pour le spectacle. Ça va être très intéressant comme démarche. Et ça va être tout le temps les mêmes jours. Donc, les mardis à partir de 20h. Je crois que le premier match d'improvisation qu'ils appellent le Showcase, il est le 9 octobre. Okay. D'ailleurs, je vous annonce en primaire que je suis dans la Ligue. Ah ouais, ouais. Je l'ai su avant hier. Bravo! Alors, ça va être très intéressant de voir ça. Et surtout, en fait, pour ceux qui aiment l'improvisation et qui vont voir la Luître, il y a beaucoup de joueurs qui sont dans la Luître et qui vont être dans la Lime. Et c'est intéressant de voir les joueurs dans un autre contexte. Ben oui. Ah, j'imagine. Puisqu'ils ont totalement un autre style de jeu. Alors, c'est tout pour l'improvisation. By the way, vous aimez l'improvisation, vous ne faites rien ce soir. Et toi, le jeune. Et toi, le jeune. Tu aimes l'improvisation? Eh bien, ce soir, il y a le match d'ouverture de la Luître à la Chasse-Galerie. C'est gratuit et toutes les équipes vont jouer. Oh. Donc, il va y avoir deux mini-matchs. C'est la première fois qu'on essaye ça. Bonne il va idée. Y avoir les oranges contre les verts en première heure, donc de 8h à 9h. Et de 9h15 à 10h et quelques, parce qu'il y a Rick Masson en vrai. Mm-hmm. Eh bien, ce sera les rouges contre les bleus. Alors, ça va être très intéressant et vous allez pouvoir voir, par le fait même, les équipes, puisqu'on n'a pas vraiment annoncé qui était. On voulait garder la surprise pour le public. Toi, tu sais avec qui tu vas jouer. Ben oui. J'espère. Hein? C'est l'improvisation, ça aurait pu être justement, on les pitch dans l'arène. Puis on avait fait ça il y a 2 ans, en fait, presque. On n'avait pas annoncé aux joueurs tant... leurs collègues? Ben en fait, non, c'est ça. On l'a, le premier soir de match, on a dit, bon, ben, vous faites partie de telle équipe. Fait que là, t'arrivais le soir, puis tu savais pas si tu jouais ou non. Tu sais, c'est, non. C'est la première année que j'ai été recrutée. J'étais bien intéressée. Ouais, c'est ça. Alors, c'est tout pour l'improvisation. Je vais vous parler maintenant de courts-métrages qui vont se faire au Centre culturel Pauline Julien, qui est au Cap de la Madeleine. Pas des kinos? Non, ce ne sont pas des kinos. C'est ce qu'on appelle les petites vues. Les petites vues. Ça fait plusieurs représentations que le Centre culturel Pauline Julien présente. Ce sont des courts-métrages qui, en partenaire avec l'organisme de distribution Traveling, qui a comme mission de faire découvrir au grand public des films de qualité dans une ambiance sans prétention et très conviviale. Et là, c'est encore plus convivial puisqu'on fait ça à l'extérieur. Donc, si vous connaissez le Centre culturel Pauline Julien, il est dans le parc des Chenaux, juste à côté de l'espèce d'étang. Là. Donc, c'est un beau décor. Donc, il y a un bel étang, il y a un beau parc. Et ça va se faire à l'extérieur. Vous n'avez simplement qu'à apporter vos chaises et on fournit même le popcorn. Oh, wow! C'est magnifique. C'est quand, ça? Ça va être samedi prochain, mais je pense le 29, c'est ça, hein? Oui, samedi 29 prochain à 7h30. S'il pleut, dites-vous pas, ah, c'est annulé. Non, c'est simplement que ça va se faire à l'intérieur. Okay. Ah. Les films vont être aussi intéressants. Et les films qui vont être présentés, c'est 11 courts-métrages qui sont en fait les coups de cœur de la 16e édition du festival Regards sur le court-métrage au Saguenay. Alors, c'est vraiment les coups de cœur. C'est pour toute la famille, donc vous pouvez emmener vos petits. D'ailleurs, il va y avoir un volet documentaire et un volet animation. Alors, les jeunes aussi vont aimer ça. C'est gratuit. Alors, Très cool. Ça vaut la peine. C'est magnifique comme décor, le parc des Chenaux au Cap de la Madeleine. C'est assez simple, là. Vous prenez le. C'est une belle place. Le pont du Plessis. C'est ça, c'est super beau. C'est pas assez exploité. Ben, on commence. Ça fait maintenant un an que le Centre culturel Pauline Julien fait partie de la corporation. De développement culturel. Avant, c'était indépendant. Mais là, ils présentent plusieurs shows. D'ailleurs, je suis déçue, mais il n'y a plus de billets pour l'Isole Blanc, puis je ne m'y suis pas achetée. Mais Salomé va être là. Oui, Salomé Leclerc va être là. Le 15 octobre, c'est ça? Oui, je pense. Je m'en rappelle plus, c'est quoi la date? Dans ce coin-là. Mi-octobre, oui. Moi, je vais être là. Puis je vais moi aussi, je vais essayer d'y aller, je pense. Cool. Et ça va être vraiment bon. Puis c'est vraiment une belle salle, super intimiste, avec une très belle acoustique. En tout cas. Tout à fait. Moi, je l'aime, ça, celle-là. Alors, le 29 septembre, donc samedi prochain, 7h30, cours dans le parc. Si vous voulez savoir un peu plus pour ce qui est de l'événement, c'est le ccpj.ca. C'est très simple. Sinon, sur Sortir à Trois-Rivières ou même sur En spectacle, vous pouvez trouver toute l'information. Donc, je répète pour être sûr, 29 septembre, 19h30, Parc des Chenaux, présentation de court-métrage gratuite à la Belle Étoile. C'est où déjà dans cette blague? C'est tout. Merci, Alexandre. Hey, merci. Ça m'a fait plaisir. Ça, j'espère que j'ai égayé votre semaine en culture. Tout à fait. Tout à fait. Le temps d'une culture. Le temps d'une culture. Comment on dit? C'est bon comme titre. Ouais, ben, c'est ça. On travaille là-dessus. On va travailler là-dessus. C'est ça. Hey, Sandra Carignan, on te retrouve la semaine prochaine, lundi, à 8h15. Oui. Ouais. Et au palmarès, c'est fou, évidemment, tous les jeudis après-midi. Oui, et d'ailleurs, ce soir. Oui, boudoir. De 18h à 19h, le boudoir avec ma charmante collègue Mélissa Beaupré. Pleine de bonne musique, des chroniques très drôles. Bref, c'est à ne pas manquer. Mais on parle de l'émission, pas de Mélissa. Elle est pleine de musique, nanana, mais tu sais, t'as oublié de chanter. Non, on parle pas de Mélissa. On parle de l'émission. L'émission. De l'émission. D'accord. Le boudoir ce soir, 18h. Oui. On écoute Stars avec la pièce The Theory of Relativity. Après ça, on revient et on écoute du Atomic Baobab. Nouveau CD. Les gens l'attendent. Well, the only way I see this happening is in an extended ride north. We'll be right back. bell fell to their knees. But it can't be 93, sadly, 'cause I wish it could forever. You call it luck, I call it tragedy. We got a thing they call a cyber girl. A warm ovation, please, for the dude who sold his ecstasy. He's building homes now in the new third world. West. Find someone close and hold them like you can. This is a race to the end, and I don't intend to win it, baby. You go ahead, I'm gonna meet you there. D.A.D. used to talk of relativity. That was way back when everyone was scared. Now that we're deep inside the wires, there's a place to hide. You can do things they would have never dared. Stars et The Theory of Relativity sur leur nouvel album The North. C'est une nouvelle entrée du palmarès anglophone et quand même que c'est bon. On aime bien. Stars, c'est un succès à chaque fois. Des gagnants, des vraies étoiles. Des gagnants. L'étoile du match. maintenant, tiens, parlant d'étoiles, en tout cas de grands gagnants, je trouve, on va écouter le nouvel album d'Atomic Baobab. Oui. Voici le poste d'écoute. Le poste d'écoute d'Assemblage Requis, c'est évidemment l'endroit où on se met un CD dans le lecteur et qu'on l'écoute dans l'ordre tel que désiré par l'artiste jusqu'à temps qu'on manque de temps. Et à l'habitude, on écoute pas mal les trois premières pièces. Leur nouvel album à Atomic Baobab s'appelle The Viewmaster. C'est leur premier album complet. Vous connaissez Atomic Baobab qui avait gagné les Mardis de la Relève. Mardis de la Relève, oui, tout à fait. C'était il y a quoi, deux ans? Deux ans. Parce que l'année la plus récente... Audionaut. C'était Audionaut, qu'on adore aussi, mais qu'on a déjà écouté leur album. Donc, c'est ça, Atomic Baobab. Les gens l'attendaient avec ferveur, est-ce qu'on peut dire ça? Je pense que oui. Composé de 12 pièces. Jolie pochette. On voit sur le dessus, sur la couverture, une jeune fille. Mais ça, je peux même te dire où la photo a été prise. Ah oui, ben, c'était pris par Benoît Payé, le photographe connu de Trois-Rivières. Dis-moi donc ton anecdote. Ben, c'est au Cap-Lalanne, pas très loin du parc des Ormeaux, en haut de la côte. En fait, nouveau quartier, c'est exactement là. En fait, les parents d'un de mes amis restent là. Ah ben. Ouais. Donc, sur la couverture, on voit une jeune fille avec tu sais, le vieux, comment t'appelles ça? Là? Je sais pas comment t'appelles ça. C'est un nom, ça. C'est pas un kaléidoscope, là. Ça, non. C'est le truc qui tourne, là, qui fait plein de formes. CD s'appelle le Viewmaster. J'imagine en tant que tel, la marque doit être Viewmaster. Sinon, le CD s'appellerait pas le Viewmaster. Ou tu mets des roulettes et... Tu mets des photos en genre de négatif, si on veut. Ouais. Et tu mets ça sur ta face un peu comme un Virtual Boy. Puis tu changes de photo, photo en photo. Donc, on la voit aussi à l'arrière faire une pause zen là-dessus. Et puis, à l'intérieur, on voit les membres du groupe sur un Viewmaster ou sur la bobine de photo. Donc, c'est très, très joli. On retrouve évidemment toujours les mêmes membres. Éric Charland, la batterie, percussion, back vocal. Jérôme CS au clavier et au vibra slap. Julien au vocal et moog. Joe Béchard, guitare, back vocal. Et Thomas Lefebvre, basse, micro, corg et back vocal. On va écouter tout de suite les trois premières pièces de l'album. Plus tard, il y aura le Viewmaster, la pièce titre et l'atterrissage. Mais on va débuter avec la ride. La ride. Thank you. comme un long, mais jamais parti comme un movie. Un enfant star dans Home Alone, dans un club mad. Et fixe de toutes les culs, les chips dans mon écran, pas de clope, j'suis tout nu. Je regarde en photo, j'entends des trames sonores. Bon, ben quoi ça a l'air, plus d'en dehors. Yeah. Les trois premières pièces du nouvel album d'Atomic Baobab. On vient d'entendre le Viewmaster, la pièce titre. Avant, c'était l'atterrissage. On a débuté avec la ride du dimanche. Trois des 12 pièces de cet album-là d'Atomic Baobab. Moi, j'adore vraiment leur style. Je trouve qu'ils font vraiment de la bonne musique. Tout frais, tout chaud, hein? Oui, j'ai hâte d'en entendre plus même. Pour vrai, Atomic Baobab, beau travail. C'est bon, je ne le mets pas dans le palmarès. Ça va l'être peut-être un jour, mais je ne devrais pas le mettre là. Ça va être mêlant, c'est comme semi-palmarès. On peut le faire toucher le rack du palmarès. Et tu disais d'ailleurs, c'est toutes des pièces francophones. Hein? Oui, ben ça m'a surpris. Tu sais, quand ils avaient gagné Mardi de la Relève, ils avaient sorti une pièce francophone. Tout à fait. On se disait, c'est obligatoirement francophone, les Mardi de la Relève, pour leur pièce commanditée, si on veut, achetée par les Mardi de la Relève. Après ça, ils avaient sorti un EP. Et celui-là était majoritairement anglophone. Donc je me suis dit, peut-être que ce qu'ils veulent faire, c'est l'anglophone. Et là, ils nous sortent un CD 100% francophone. Ça m'a surpris. Sûrement pour avoir un potentiel radio plus élevé. Plus élevé, ouais, tout à fait. Du francophone, c'est pas toujours facile gagnant. De percer le marché anglophone. Non, vraiment pas, vraiment pas. Mais en même temps, ils ont fait l'album 100% franco. Je me dis, s'ils avaient vraiment aimé plus faire de l'anglophone, ils auraient pu en mettre quelques-uns. Peut-être qu'il y en a, je sais pas. Mais les titres sont pas mal en français. Tant mieux, j'adore ça. Atomic Baobab, vous pouvez aller télécharger leur album sur leur Bandcamp, atomicbaobab.bandcamp.com. L'album est sorti le 11 septembre dernier, donc quand même semi-récent, mais on est très heureux de l'entendre maintenant. On vient de le recevoir la semaine passée, assez fou. Atomic Baobab et le Viewmaster, on aura la chance d'entendre d'autres pièces sur nos ondes, c'est certain. Et peut-être pas Marais, on sait pas. Espérons-le. Espérons-le. Atomic Baobab. La prochaine fois, dans le poste d'écoute, on écoutera l'album Genre des mécaniques. Oui, oui, tout à fait. Bonne idée. On va faire ça cette semaine, donc on va se tenir ça pour dit. Hein? C'est dit. C'est dit. C'est la fin de l'émission pour aujourd'hui. On se retrouve demain entre 7h et 9h. Qu'est-ce qu'on a demain à l'émission, François? Tu t'en rappelles-tu? Demain matin, on reçoit Michel Lebrun avec sa chronique juridique. Oui. Justicière et justice? Justicière. Judiciaire et juridique. Juridique. Les trois J. De Michel Lebrun qui a aucun jus dans son nom. On a aussi Maxime Tanguay qui va nous faire entendre un groupe de musique indie dans sa chronique. C'est qui dans ce band-là? J'en ai aucune idée. Et en fin d'émission, David Perron parlera avec Danny Janvier, l'animateur du Dîner de Con. Oui, on va le recevoir en direct demain matin, Danny Janvier. En studio pour son album Obon Contech. Parlant de Danny Janvier, il reste à l'écoute parce qu'il anime le Dîner de Con à partir de 11h. Ensuite, en après-midi, Maxime Tanguay. Oui. Et Simon Fédibé anime l'examen final, l'émission de critique musicale. Je serai de retour en rappel à 15h avec Alexandra Carignan pour les Palmarès C'est Fou. Ensuite, elle sera là en direct avec Le Boudoir et son émission de musique émergente en compagnie de Mélissa Beaupré. À 19h, c'est Culture Rock, Cinéma et Littérature Fantastique et dans l'émission Le Voyage Insolite avec Frédéric Durand. Voilà, soyez-y demain à 7h pour une autre édition et puis on se quitte. Bonne journée! Bonne journée! Même pas, on se quitte même pas en musique, on fait juste se quitter. Bye bye! Bye. Comme ça. On aime ça une fois de temps en temps? Non! Oh.